Entamé avant le Covid avec la zone de l'Hôtel Dieu, les procédures de vente du patrimoine municipal continuent. En attendant celle de l'hôtel particulier de l'Estang, rue Saint-Jacques, dans le quartier historique de Toulouse, et d'un ensemble immobilier avenue Antoine de Saint-Exupéry, c'est la caserne des pompiers des allées Charles de Fitte dont la procédure de vente a été lancée en octobre dernier. Votée au conseil municipal du 1er avril dernier, c'est pas une blague, la vente de la caserne Jacques Vion, qui appartient à la mairie de Toulouse depuis 1955, c'est à l'occasion est promise à des promoteurs immobiliers et ces promoteurs immobiliers ont l'occasion de récupérer sur le quartier Saint-Cyprien plus de 1 hectare de terrain, 1 hectare 2 pour être précis, coincé entre les allées Charles de Fitte d'un côté et la rue Sainte-Lucie de l'autre. Un terrain comprenant une piscine et une fosse de plongée désaffectée, un gymnase, un vaste hall garage des véhicules des pompiers, deux parkings souterrains, deux parkings aériens, un bâtiment d'habitation de 12 étages comprenant 85 logements, un bâtiment sur les allées Charles de Fitte de 5 niveaux. Compris dans ces locaux, un amphithéâtre imaginé et conçu comme l'ensemble de la caserne, d'ailleurs, par l'architecte toulousain, enfin, un ariégeois installé à Toulouse, pour être plus précis, Pierre Debeau, à qui l'on doit également la conception et le chantier des bâtiments du Pic du Midi, le monument à la gloire de la Résistance face à l'entrée du Jardin des Plantes, le réaménagement de la salle romane du musée des Augustins ou le château d'eau de l'hôpital Marchand. La vente de cette caserne, lancée donc par la mairie de Toulouse à l'automne dernier, est dite par soumission cachetée. C'est-à-dire que la vente se fera aux enchères par enveloppe adressée à un huissier et c'est le vendeur qui choisira l'heureux élu. Classée monument remarquable du XXe siècle, la caserne Vion est depuis cette décision au cœur de deux polémiques, deux vagues de contestation. La première vient des habitants du quartier qui sont oppose à ce qu'ils appellent la braderie du patrimoine en faveur d'opérateurs privés et qui voudraient engager avec la mairie de Toulouse, je cite la pétition qu'ils ont lancée en avril dernier, un travail de co-construction avec la mairie pour créer un pôle de services publics de logements en adéquation avec le besoin du quartier, tels des équipements sportifs, salles de spectacle, lieux éducatifs. La deuxième polémique, la deuxième vague de contestation a pris la forme cette semaine d'une lettre ouverte adressée à la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak et signée par un collectif qui s'appelle le collectif pour la reconnaissance et la protection de l'œuvre de Pierre Debeau. Stéphane Guéret est architecte professeur à l'école d'architecture de Toulouse et Rémi Papillot, architecte du patrimoine, professeur et co-directeur de l'école d'architecture de Toulouse, sont les deux premiers signataires de cette lettre ouverte publiée dans les pages du journal Libération ce lundi. Ils s'inquiètent dans cette lettre de l'absence dans le protocole de mise en vente d'un article de protection opposable juridiquement qui pourrait par exemple empêcher la destruction partielle, voire totale, de la caserne Jacques Vion. Au motif que ces bâtiments, grande œuvre de Pierre Debeau, restent, je cite, un tout très cohérent du grand hall monumental au péristyle de la cour qui s'ouvre sur les allées Charles de Fitte, en passant par l'escalier d'honneur, la chapelle et l'auditorium, avec leur voûte en coffrage perdu, les ateliers voûtés, la tour d'exercice, un extraordinaire exercice de virtuosité. Fermez les guillemets. Les initiateurs de cette lettre préconisent, eux, face à la décision de vente de la mairie, une réhabilitation et un réemploi de ce bâtiment au nom de l'urgence climatique qui, je cite encore, interdit de continuer à démolir pour reconstruire toujours plus. Une manière également de protéger ce chef-d'œuvre de la démolition. De son côté, la mairie de Toulouse, par la voix de Sacha Briand, adjoint au maire en charge des finances et de la modernisation de la collectivité, évoque une réhabilitation coûteuse pour un ensemble immobilier, je cite Sacha Briand, complexe et vieillissant, et fustige, je cite encore l'adjoint au maire, le romantisme et l'attachement conservateur des opposants à cette décision de vendre pour qui, je cite encore Sacha Briand, tout ce qui est ancien est nécessairement beau et bien, fermez le bac. Décidément, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mousse, saison 34, réalisé par Valentin Jiquel. Ce soir, on parle du festival Des Tours de Chant, 22e du nom, qui a commencé mardi dernier, qui s'achèvera le 4 février prochain avec un concert de Loïc Lantoine et de Marc Namour au théâtre Des Mazades. On en parle avec Bercé, jeune chanteur musicien qui demain après-midi joue au Bijou dans le cadre des coups de pouce de Des Tours de Chant. On écoutera également Christelle Boisanté et Fabrice Guérin, entretien enregistré en début d'après-midi, qui ensemble forment le duo Plus Rien d'Humain et qui ce soir seront à la cave Poésie. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne sont pas en direct ce soir, ils sont en train de faire les balances. Et entre tout cela, Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, évoquera le prochain concert d'Un pavé dans le jazz qui aura lieu mardi prochain, 31 janvier, au Taquin. Mardi 31 janvier, n'oubliez pas, jour de manif, il faut tous y aller. Nous évoquerons également ce concert avec Alexandre Pierrepont, le créateur de The Bridge, ces rencontres annuelles entre musiciens de Chicago et musiciens français, rencontres qui seront au centre de ce concert. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Lorsque le Baron de Vincennes, trio barré, porte-étendard du bat-rock toulousain, percute la poésie de Charles Baudelaire, on peut s'attendre au pire. Mais finalement, on a le meilleur. La déflagration sonique des notes et des mots, l'humour détaché des uns et de l'autre, l'irrévérence de tous, les fleurs du gros son, le nom de ce nouvel album du Baron de Vincennes, c'est un bouquet farfelu, une explosion de couleurs et de climat, un joyeux bric-à-brac de notre furibarde et de bouts de phrases montés ensemble à la porte-pièce. C'est joyeux, énervé, foutraque, toujours tendre, porté par trois musiciens qui ne se prennent pas au sérieux et qui pourtant assurent comme des cadors. Les fleurs du gros son, une expérience jubilatoire à écouter sans retenue. Le Baron de Vincennes, et on en écoute tout de suite un extrait, donne des fleurs du gros son, le nouvel album de ce trio, tout juste sorti, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Mais la mort, que nous ne consultons pas sur nos projets et à qui nous ne pouvons pas demander son acquiescement, la mort qui nous laisse rêver de bonheur et de renommée et qui ne dit ni oui ni non, sort brusquement de son embuscade et balaye d'un coup d'aile nos plans, nos rêves, les architectures idéales où nous abritions en pensée la gloire de nos derniers jours. We'll be right back. qu'est-ce que c'est ? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon ? Bonsoir Clément Béranger. Salut. On vous connaît également sous votre nom de scène, Bercé, et c'est sous ce nom-là que demain après-midi, vous serez dans le cadre des coups de pouce à jouer aux bijoux pour cette opération montée par le festival Des Tours de Chant. Comment se retrouve-t-on à jouer aux bijoux pour les coups de pouce ? Alors, le bijou organise des petites sessions Ozon. De 20 minutes, où on a 20 minutes pour présenter son travail. Donc ça, ils organisent ça plusieurs fois dans l'année. C'est ça, une fois par mois, je crois. Souvent le mardi. Peut-être. Et ils accueillent un peu n'importe quel artiste, quoi. Et moi, j'avais travaillé un set, mais c'était il y a un an. Du coup, j'ai joué mes 20 minutes, j'ai essayé de proposer un maximum de choses et tout. Donc je me suis presque emmêlé les pinceaux, quoi. Et à la fin du concert, je suis allé voir les programmateurs et je leur ai demandé, puisqu'ils font des retours en fait sur les artistes, sur la prestation. Et ils m'ont dit, les chansons sont sympas, mais il y a du boulot. Et ils m'ont mis. C'était qui les programmateurs ? C'était Emma Chauvet. Et Pascal Chauvet. Et Pascal, les tauliers du bijou. Ouais, c'est ça. Et on a passé un moment à discuter et puis je leur ai fait écouter mes chansons les mois passés, tu vois, et puis ils ont fini par écouter tout mon travail puisqu'en fait j'ai beaucoup travaillé dans mon coin. Je leur ai fait écouter mes chansons et ils m'ont dit bon, il y a du boulot, il y a plein de choses, on va te mettre avec Éric Larenne pendant une journée et tu vas me dire ce que t'en penses. Et on a fait une journée de mise en scène, tu vois, on a travaillé. On a ouvert le travail, tu vois. Moi, je savais absolument pas ce que c'était de la prestation scénique, vraiment. Tu vois, je suis un rat de laboratoire. Moi, j'ai passé des heures et des heures en studio à enregistrer des trucs. Par contre, sur scène, bon, voilà, il y a du boulot, quoi. Et alors, ce qu'a pu dire Éric Larenne. Alors, Éric, il m'a mis des énormes vents. Mais c'est tout passe. Il m'a bien bâché comme il fallait. Donc, ça a bien avancé depuis un an. Il y a encore du boulot, mais là, tu vois, j'ai la chance de... Puis on s'est revus, puis j'ai revu Emma, et puis ils m'ont remis 3 jours cette fois-ci avec Éric Larenne. On a repassé du temps sur scène, et puis voilà, on a préparé un set 35-40 minutes, tu vois, mes 10 chansons sur lesquelles il y a de la guitare-voix, piano-voix, il y a des prods aussi que j'ai fait. Et on a bossé ça, on a filé le spectacle, si tu veux. C'est pas rien de commencer sa carrière sous le haut patronage d'Éric Larenne. Ouais, en fait, j'ai appris à rencontrer ce personnage. Grosse appréhension, hein. C'est un gars d'une douceur, tu vois. Mais à la fois, il est perçant, il est juste, en fait. Il a travaillé en fait avec ce qu'il voyait. On n'a pas essayé de faire un format, on n'a pas essayé de faire un espèce de truc standard. Il a écouté ce que je fais, il a regardé qui j'étais, et puis il m'a dit bon, on va essayer d'aller par là parce que c'est ce qui te ressemble le plus, tu vois. Voilà. Et il avait peut-être juste, on viendra vérifier ça demain après-midi au bijou. Lorsque vous dites que vous êtes un rat de studio et que vous produisez beaucoup, c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses sur le net vous concernant, notamment des sessions dans un joli studio accompagné quelquefois d'un percussionniste et d'une pianiste. Sinon, vous êtes aussi en piano solo. La chanson, c'est arrivé comment? La chanson, c'est arrivé après 10 ans de guitare-voix en anglais. Pendant 10 ans, j'ai chanté en anglais. Et au bout d'un moment, j'en avais marre que personne ne comprenne ce que j'ai. Du coup, j'ai commencé à écrire en français. J'ai commencé à m'ouvrir, tu vois. Mais ça a pris un moment. Voilà. Ça veut dire que la culture, par contre, chanson, c'est quelque chose qui vous est familier ou pas du tout? Ouais. Vous apprenez et vous la rencontrez maintenant? Je trouve que écrire une chanson, c'est une chose, mais l'écrire en français, c'est encore autre chose. Et cette culture-là, vous aviez des points d'ancrage, des repères dans ce que vous aviez écouté jeune à la maison ou pas du tout ? Je crois que le premier truc qui m'a vraiment touché, c'était Yesterday des Beatles. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Voilà. Et vous m'auriez dit, Michel, il y a au moins trois phrases en français des Beatles, mais dans absolument celui-là, il n'y a même pas les trois mots en français que les Beatles avaient régulièrement dans leurs morceaux. Donc, à part le fait que ça permet aux gens de comprendre ce que vous avez envie de dire, et on y viendra tout à l'heure, vous avez quand même envie de dire plein de choses. La chanson en français, ça ouvre sur d'autres choses que ne permet pas le fait de jouer en voix anglaise. L'intimité des gens. Moi, j'ai un registre assez intimiste et je parle que de choses intimes, en fait. Et donc, les gens comprennent très bien ce que je dis. Et à la fin du concert, souvent, j'ai quelques personnes qui viennent me voir et me disent... Eh ben, ça m'a fait écho à ça, ça m'a fait penser à ça. Moi, j'ai une histoire comme ça. J'ai accès à l'intimité des gens. C'est assez étrange, mais c'est ce qui me plaît le plus. Hein. C'est excellent. Les discussions que j'ai après les concerts sont, en général, c'est top, quoi. La prochaine fois, balancez une cassette sur scène. Et directement, voilà. on va dire. Et passez directement à la deuxième partie. Quand vous dites que vous chantez des choses qui sont intimes, alors je ne sais pas quel sens vous mettez derrière intime, mais il y a quand même des choses qui sont aussi une description plutôt acide du monde dans lequel on vit. Ouais. Je pense à Molécule, une chanson que l'on peut découvrir sur le net. Je ne sais pas si c'est intime, mais c'est des choses assez fortes sur... La destruction que l'on est en train de faire de la planète. Disons que c'est mon rapport intime à ce regard-là, à cette situation-là. D'accord, donc c'est dans ce sens-là intime. Et puis c'est pas que la destruction de l'environnement, c'est notre place en tant qu'être humain aussi, une place éphémère en fait. Voilà. Oui, puisque vous avez quand même cette phrase au détour de cette chanson. Nous ne sommes que de passage, certes, mais il faudra bientôt payer la dette. Avec cette phrase que vous allez m'expliquer, parce que sur le coup, elle m'a un peu interloqué. Il n'y a d'issue que dans le voyage. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire... J'ai trois interprétations. Il y a trois interprétations possibles à un voyage. Et je préfère pas les dévoiler. D'accord. Mais... On imagine bien. Il y a. Je peux vous en donner une. Ben oui, au moins. Celle que notre cher Elon Musk essaye de nous faire croire, c'est qu'on pourrait vivre ailleurs. Oui, puisque dans le clip, quand vous dites cette phrase, justement, il y a des images de constellations, de planètes avec des petits satellites qui passent devant. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est le clip, ouais, qu'on a passé un moment à faire ce clip. Et donc il y a cette façon d'entrevoir la signification de cette phrase. Il y en a deux autres. Vous nous la laissez l'imaginer. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est ça aussi une chanson, balancer des idées, balancer des choses qui vous sont intimes, et puis laisser à l'auditeur le soin de ramasser les morceaux et de se faire sa propre interprétation. Il y a une tournure assez fine à trouver pour arriver à se dévoiler et puis à laisser la place à l'autre aussi. C'est vrai, ça, c'est j'ai souvent l'idée dans les chansons, l'idée est claire, mais après la forme que ça doit prendre, les paroles, le refrain, oui, c'est quelque chose qui prend du temps et donc il faut arriver à trouver les mots justes. Ouais. Cette idée que je donnais tout à l'heure pour parler de cette chanson Molécule, c'est une idée qui vous est chère, d'essayer de prendre quelque chose de la société dans laquelle on vit et développer un peu votre sentiment autour de ça. Ouais. Parce que quand vous dites intime, vous ne parlez pas de votre vie, vous ne parlez pas de votre intimité. Ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est que vous donnez votre version de ce que vous voyez, et c'est ça l'intime pour vous. Mais c'est vrai que vos chansons, c'est un peu ce trajet-là. Essayez de raconter ce que vous voyez et comment vous le ressentez. Je parle, oui, c'est ça, j'évoque vraiment mon ressentiment. Molécule, pour vous spoiler un petit peu, sur scène, la première partie de la chanson, je suis a cappella. C'est-à-dire qu'il n'y a que le public et moi, il n'y a pas d'instrument. Je suis uniquement en train de chanter Molécule. Voilà. Façon slam. Façon slam, ouais, sans instrumentation derrière. Et ça donne quelque chose d'assez froid, en fait. C'est un bilan Ça peut être un... Ah oui, c'est un bilan chirurgical, le début de la chanson. Un bilan comptable. Ah ouais, vraiment. Oui, oui, d'ailleurs, vous le dites, hein, il faudra payer la dette. Et un jour, il faudra que les comptes soient faits. Comment vous voyez dans ce monde de la chanson que vous êtes en train de découvrir? Enfin, je veux dire, la chanson française, c'est vraiment un milieu un peu particulier avec ses codes. Vous avez quand même une façon de concevoir vos chansons, j'allais dire assez classique. Piano-voix, guitare-voix, peu d'arrangements, le texte mis en avant. C'est vrai que c'est des formes très classiques de la chanson française. Comment vous voyez les choses évoluer, rester dans ce cadre-là, le faire un peu bouger? Pardon. C'est vrai que c'est classique, c'est vrai, c'est un peu à l'ancienne. La seule... disons que je passe du temps à écrire. Je passe du temps à trouver les bons mots, à raconter une histoire qui a un début, un milieu et une fin. Voilà, une introduction. J'essaie de... Il y a des chansons où il y a beaucoup de production, la production actuelle aussi. Mais je commence toujours en guitare-voix ou en piano-voix. Je passe toujours beaucoup de temps à faire en sorte que ma chanson, elle fonctionne en guitare-voix ou en piano-voix. C'est important. J'ai envie de la... pour pouvoir l'exporter, en fait, pour pouvoir la jouer avec d'autres musiciens aussi. Le fait que ce soit classique fait que c'est exportable, qu'on peut rencontrer des musiciens facilement et on peut, voilà. Vous dites que vous passez beaucoup de temps en studio, ou enfin, ouais, je pense, dans votre appartement aussi, qui a dû être transformé en studio. Mmh. On peut le faire maintenant. Il ouais. Y a un disque qui se prépare? Il y a une chanson qui est en train d'être... c'est une réédition de J'ai plus mes J'ai eu, produite par les Léos à Toulouse, qui sont sur la tournée de Big Flo et Oli. Voilà, c'est des producteurs de musique et on a retravaillé la chanson J'ai plus mes J'ai eu. Donc, je ne sais pas encore exactement quand est-ce que elle sortira. Sûrement en mars. Voilà. Pour l'instant, le disque, l'EP complet... pas de suite. Je vais sortir titre par titre, je pense. Quand vous dites que c'est en train d'être produit, ça veut dire que là, on n'est plus dans le piano-voix ou dans le guitare-voix. Ah non. Ouais. Là, il y a des musiciens qui... Il y a déjà, voilà, il y a des productions, il y a une chanson qui fait 2 minutes 30, il a fallu... Ouais, là, on est sur le mix, là. Ouais. Je suis en train de prendre le rendez-vous pour le mix. Voilà. Donc, cette chanson, on va en dire deux mots avant de vous écouter et nous en chanter une à la guitare-voix, puisque vous avez amené votre guitare dans ce studio aujourd'hui. Cette chanson, J'ai plus, mais j'ai eu. Mm-hmm. Là aussi, autant j'avais été très étonné par le côté acide de Molécules, là, j'ai été très étonné par le côté nostalgique de cette chanson. Vous avez quel âge, Bercé? J'en ai 32. Je me dis, être déjà nostalgique, c'est quand même étonnant. Et c'est vrai qu'elle est très nostalgique, cette chanson. Bon, en clair, elle regrette les petites attentions que nos parents pouvaient avoir pour nous lorsque nous étions petits. Mais ça va jusqu'à regretter un peu et avoir de la nostalgie pour les céréales qu'on mettait dans le bol de lait le matin. Enfin, des choses aussi basiques que ça. Et comment on fait pour être aussi nostalgique? C'est quand même étonnant. Je suis un garçon très mélancolique. Je suis né avec ça. Je peux pas faire autrement. Voilà, j'ai du mal à faire autrement. Non, sans rire. C'était une belle histoire et la chanson, elle s'écrit J'ai plus mais j'ai eu. Donc, je l'ai eu. C'est une célébration aussi. C'est-à-dire que oui, il y a une forme de nostalgie, mais il y a aussi c'est quelque chose de positif. Je garde quelque chose de très positif de cette histoire. Sûrement. Mais c'est vrai que ce qui reste, c'est le regret. Ouais, c'est ouais. le regret. Eh bien, la mélancolie, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans mes chansons. Et je... Comment dire C'est une marque de fabrique. C'est une marque de fabrique, ouais. Et puis, je crois que ça m'a permis, en fait, de passer au travers de ça. C'est-à-dire, le fait d'avoir regardé cette histoire, le fait d'avoir écrit une chanson, d'avoir réenregistré la chanson... Et d'avoir balancé ses émotions... Ouais, c'était une manière de passer à autre chose. De passer à autre chose aussi. Ah ouais. Ouais, c'était une carte postale de cette histoire. Ah ouais. Et une fois qu'on a fait le contour de la carte, et eh ben... Ouais, il ne reste plus qu'à l'envoyer. Voilà, il faut l'envoyer. Et puis, qui la recevra? Voilà, on la timbre, sauf qu'il n'y a plus de timbre rouge maintenant. Donc, Bercé, Clément Béringer, Bercé, sera demain au coup de pouce de Détour de Chance. Ça se passe au Bijou. On va quand même donner le programme de ces coups de pouce, puisque vous n'y êtes pas le seul à y passer. On pourra écouter aussi La Fée, chanson guitare-voix, Malo Texier, là aussi, chanson guitare-voix, Bercé, vous serez en troisième position demain après-midi, et puis il faudra revenir ensuite le soir avec Arbas dans un premier temps. Elle aussi, elle s'accompagne au ukulélé ou à la guitare. Et puis, on finira avec Rat Shack, une chanteuse qui, elle, fait un piano-voix. Ce que l'on peut remarquer, c'est que demain, il y a quatre filles et un garçon. Je ne sais pas s'il faut y voir une tendance à venir pour le milieu de la chanson, mais il y a plein de jeunes artistes qui commencent à émerger dans ce milieu-là qui longtemps a été le territoire de garçons, pour le coup. C'est peut-être une très bonne nouvelle. Bercé, on va vous laisser prendre votre guitare. Vous allez nous jouer un morceau qui s'appelle celui-là ? Je vous regarde. Donc, deux mots sur ce morceau avant de l'écouter. C'est une chanson qui parle un petit peu de tous ces gens qu'on voit à la télé, sur les magazines, sur les réseaux sociaux, tous ces gens qui ont l'air d'avoir une vie parfaite et qu'on n'a jamais vu dans la vraie vie. Et ben, je leur ai écrit une chanson. Je vous regarde vivre pendant les heures où je m'ennuie, avec un peu de jalousie, je voudrais connaître la suite. Je vous regarde vivre avec une illusion d'amour, vos moindres gestes que je savoure, sans être jamais avec vous. Je vous regarde rire, vous semblez vivre un paradis, à n'avoir jamais de soucis, une vie paisible et tranquille. Je vous regarde fuir les quotidiens trop insipides, la vie réelle des gens qui suivent, pourvu que je puisse m'enfuir aussi. On ne voit que toi sur les affiches, à la télé, sur les magazines. On ne t'a jamais vu dans la vraie vie. Ce qui est vrai n'était pas permis. Hop! Derrière ce beau décor, je vous regarde, je vous transforme et j'idéalise tous mes espoirs et mes fantasmes. Je voudrais voir dans le miroir, voilà pourquoi je vous regarde. On ne voit que toi sur les affiches, à la télé, sur les sur les affiches, à la télé, sur les magazines. Quand je te regarde, je vous envie. J'aimerais, je l'avoue, y être aussi. Merci Bercé pour ce morceau. La suite du répertoire, c'est donc demain après-midi dans le cadre des coups de pouce à 18h30. À 18h30 pour vous, je crois que ça commence à 16h. Hein, ça commence à 16h. Les coups de pouce. 18h30 pour vous, les coups de pouce de Détour de Chang, largement recommandés par la maison, puisque chaque année, on y découvre quand même plein de jeunes artistes en devenir. Pour vous, la chanson, ça a commencé quand ? Ça a commencé, je crois, à 15 ans pour faire de la musique et il m'a fallu 10 ans pour chanter en français. Voilà, et à partir de 25 ans, vous avez commencé à écrire. Ouais. 25 à fond en français, ouais. Je ne saurais conseiller d'aller aussi sur le net. Il y a plein de choses que l'on peut découvrir concernant vos chansons, votre musique, votre esthétique, votre façon de voir un peu le monde. Bercé, B-U-R-C-E, c'est comme ça que vous retrouverez les choses sur YouTube. Et puis, bon vent et à demain. Ouais, carrément. Allez, merci beaucoup. Au revoir, Clément. Au revoir. La mer est dangereuse, même s'il n'y a pas d'eau dedans. Quand on creuse dans la baie du Mont-Saint-Michel, on trouve plein de chapeaux de Boy Scout. Où avez-vous appris à dire autant de conneries ? Caramel ! Voilà, et la suite du programme, c'est le concert... qui aura lieu mardi prochain, 31 janvier, au Taquin. C'est un pavé dans le jazz qui s'installera au Taquin ce soir-là. On y pourra y découvrir la guitariste Marie Olaya, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière. Elle était notre invitée dans cette émission la semaine dernière. Et on pourra y découvrir également la version 2023 d'une opération qui existe depuis une petite quinzaine d'années, Jean-Pierre Lérac, une dizaine d'années. Donc ça s'appelle The Bridge, le principe c'est tout bête, c'est une réunion annuelle entre des musiciens de Chicago, des musiciens français. C'est tout bête, en même temps c'est magnifique. Fallait y penser. Mais c'est vrai que comme ça, et puis on les réunit, ils montent un répertoire et ils tournent un peu en France et en Europe, et chaque année il y a le Bridge qui s'installe à Toulouse la plupart du temps dans le cadre d'un pavé dans le jazz. C'est toujours un pavé dans le jazz qui est le relais sur Toulouse. Après il y a plusieurs scènes de jazz en France qui on est une quinzaine de salles ou de festivals qui relaient ces tournées là Voilà. Et donc avec nous au téléphone, si tout marche bien, nous avons Alexandre Pierre Pont, le fondateur de cet événement, le Bridge. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, vous m'entendez bien ? C'est parfait. On a même l'impression que vous êtes juste à côté de nous. Simplement, vous n'êtes pas là pour prendre l'apéro avec nous, à boire avec modération, bien entendu. Mais tant pis pour vous. Racontez-nous un peu cette édition 23 du Bridge. Je rappelais vite fait un peu l'intention que vous avez eue en imaginant ces rencontres transatlantiques. Mais racontez-nous un peu ce que vous avez imaginé pour cette édition 2023. Alors, c'est pas exactement moi, hein. Encore une fois, j'insiste, c'est vraiment très important à chaque fois, c'est que, évidemment, on sélectionne des musiciens et des musiciennes qui ont le profil, la polyvalence, l'imaginaire, pour pouvoir collaborer les uns avec les autres, mais chaque ensemble, ensuite, est créé par les artistes eux-mêmes. Nous n'intervenons pas dans la formulation de ces ensembles-là. Alors, celui que je vais vous présenter et qui arrive, c'est forcément quelque chose de très original par son l'instrumentation et par la personnalité des musiciens. L'instrumentation, on a deux saxophonistes, un batteur, une percussionniste qui joue aussi du Diddley Bow. Du quoi ? Les connaisseurs de musique reconnaîtront peut-être le nom de Bo Diddley qui vient d'être avant de là. Oui. Le Diddley Bow, c'est un instrument presque comme un gambri, mais entre la guitare et la basse, avec une seule corde. D'accord. Voilà, un instrument électrifié, fabriqué par Coco Elises elle-même. Et voilà, comme beaucoup de bluesmen en ont joué il y a 100 ans ou 150 ans. Et puis la chanteuse Hugosine Ouagougou. Alors je les nomme les saxophonistes, c'est deux Français, la saxophoniste lilloise Sabine Abdou, à l'alto et au ténor, le francilien Julien Ponviane au ténor, le batteur aussi, il vit en France, il est actif en France, pas que bien sûr, c'est Julien Chamla, et puis donc deux Chicagoans, Hugosine Ouagougou, qui est Ibo du Nigeria, d'où son nom, mais qui a grandi et qui vit à Chicago, et Coco Elises, qui est l'actuelle présidente de l'ASM. Oui, rappelez un peu l'ASM, qu'est-ce que c'est ? l'un des plus anciens. En fait, à l'heure actuelle, c'est le plus ancien collectif de musiciens encore en activité, puisqu'il a été fondé à Chicago en 1965. Il existe toujours en 2023, avec des générations qui se sont succédées les unes après les autres. Voilà, des collectifs de musiciens, c'est presque devenu monnaie courante aujourd'hui. Il y en a de différentes sortes d'ailleurs, mais il y en a partout aux États-Unis, en France, en Europe et dans le monde. C'est quelque chose, c'est un phénomène qui a démarré dans les années 60, et pas pour rien, hein, les années de la décennie de l'autogestion, de l'autodétermination. Il en reste des choses, et de toute façon, il y a la nécessité. Je vais faire presque un petit clin d'œil, mardi prochain, c'est le concert, enfin, un pavé dans le jazz, et un pavé dans le jazz, c'est déjà pas n'importe quel nom, oui. Mais ça a lieu à plein mouvement social. Nous n'oublions pas que le mouvement, l'improvisation, c'est un mouvement collectif, comme une grève, et que ce n'est pas contradictoire l'un avec l'autre. Et on l'a rappelé en début d'émission, que le 31, il y avait concert le soir, mais il y avait surtout manif dans l'après-midi. Enfin, voilà, à Toulouse, on peut faire l'un et l'autre. Voilà, à Toulouse, ça se passera à milieu de matinée, rendez-vous 10h à Saint-Cyprien. Mais ça, c'est pour les Toulousains. Donc... Alors, j'ai juste une petite chose à dire. Je vous ai présenté le groupe. Oui. Je termine juste. Cela étant dit, il y a un scoop. C'est que suite à un heureux événement qui l'attend prochainement, Julien Chardin ne pourra pas être de l'étape toulousaine et il n'est pas remplacé parce qu'il est irremplaçable. En revanche, il y a quelqu'un que vous connaissez bien dans la région qui sera, qui s'ajoutera au musicien, c'est le bassiste Mathieu Sourisseau. Ah ben oui, tout à fait. Ah oui, c'est une nouvelle agréable. Pour un groupe qui joue dans quelle esthétique cette fois, vous les avez déjà entendus puisque là la tournée a commencé. Oui, juste ce soir. Là, je vais vous quitter dans un instant pour les accompagner au Petit Faucheux à Tours. Ah oui. La tournée a commencé il y a une dizaine de jours déjà. Celle-là est assez longue. 3 semaines, on bat des records. Alors, je vais reprendre un terme que vous avez utilisé pour présenter le groupe, qui est un terme logique, évidemment. Vous avez dit, ces groupes, ces ensembles issus de The Bridge, ils travaillent des répertoires. Oui. Alors, c'est tout à fait logique que vous disiez ça. Ne sait pas ça. Puisqu'ils pratiquent l'improvisation, ils ne créent strictement aucun répertoire. Il n'y a pas de composition, il n'y a pas de morceau. C'est plutôt, je dirais, mais je comprends pourquoi vous avez dit ça, c'était quand même dans la bonne direction. Je dirais plutôt qu'ils se créent une identité musicale qui leur permet de lever à chacun une certaine approche de ce que c'est que l'improvisation collective. Mmh. Et sans vendre la mèche, parce que c'est aux Toulousains et Toulousaines de découvrir mardi prochain, je dirais que ce groupe-là oscille entre le blues, la folk, le minimalisme, le bruit blanc. Voilà, évidemment, c'est des appellations, mais c'est comme un kaléidoscope. À chacun d'essayer de se représenter ce que ça peut pouvoir donner. Moi, et alors vraiment, c'est pour plaisanter, parce que j'aime bien donner des noms et des appellations, mais c'est presque comme des noms d'oiseaux, faut pas le prendre au pied de la lettre. J'ai dit qu'ils avaient inventé une forme de crotrock africain. D'accord. Donc très bien, tout ça, on le découvre au Taquin, mardi prochain, 31 janvier. Vous êtes parti pour continuer le bridge encore quelques années. C'est facile à monter ces opérations. 2 ou 3 siècles minimum. Ah ben très bien, très bien, ça va, c'est bon. On verra, on verra. D'abord, c'était du plaisir parce qu'il y a un renouvellement automatique, on va dire en quelque sorte, du fait de ce que je disais il y a un instant, ce sont des approches. Il y en a certaines qui se ressemblent. Évidemment, il y a quand même des liens, hein. Mais cela étant dit, chaque approche est originale et singulière, et c'est aussi des aventures humaines à chaque fois. Avec des hauts et des bas, ça c'est quand même très très important, j'insiste vraiment toujours beaucoup là-dessus. Hein. Si on est amateur d'improvisation, on ne peut pas ne pas vouloir qu'il y ait prise de risque. Mmh. Et s'il y a prise de risque, eh bien parfois il y a le risque de l'obstacle aussi. Ouais, il y a le risque de l'échec, il y a les... voilà. Et chacun de ces groupes humains, ils affrontent ça. Mmh. Ils ont évidemment une envie, un désir et une empathie, une fraternité qu'ils développent les uns avec les autres. Mais il y a aussi des défis qui relèvent en cours d'improvisation. Des choses qui passent mal, des choses qui se répètent, et comment à chaque fois on arrive néanmoins, à travers la magie de l'improvisation, mais c'est aussi à la fois de la magie, et puis c'est aussi de la pratique, de la critique. Voilà comment on arrive progressivement à dégager quelque chose de tout ça. Le bridge, on le disait tout à l'heure, c'est une opération qui existe depuis une grosse dizaine d'années. Ouais. Dans les collectifs que vous avez pu former de musiciens franco-chicagoans, il y a des formules qui ont perduré. Ah oui. Alors, sous différentes formes. Il y a des formules qui ont perduré soit en tant que telles. Mmh. Par exemple, là, je viens d'apprendre... il y a quelques jours, et le bridge n'y est pour rien, parce qu'après on laisse les groupes se développer ou s'arrêter, hein, mmh. que le tout premier bridge, celui le premier bridge de 2013, risquait peut-être de se reformer l'an prochain. Ah oui. Voilà, pour faire une tournée en Europe, on verra. Sinon, ce qui arrive fréquemment aussi, c'est que soit les groupes... Alors d'abord, il n'y a pas obligation à ça. C'est très très bien qu'il y ait de la persévérance, de l'endurance et de la longévité, on l'encourage, mais ça ne doit pas non plus être une obligation. Ceux qui souhaitent faire un aller-retour, et c'est déjà une belle aventure, et s'arrêter là, c'est bien aussi. Mais il arrive aussi, évidemment, et heureusement, que d'autres veuillent continuer. Et soit c'est le groupe qui se prend en main et qui refait une autre tournée, une troisième ou une quatrième, ou un deuxième disque. Il y a plusieurs ensembles de The Bridge qui ont fait des deuxièmes disques et d'autres tournées. Parfois aussi, ce qui arrive, c'est que c'est juste un duo, un tandem, issu d'un groupe de The Bridge, un Américain et un Français, une Française et une Américaine, qui décident à deux de faire autre chose, mais qui se sont néanmoins rencontrés grâce à The Bridge. Eh bien écoutez, très bien, Alexandre Pierre Pong, on se retrouve mardi prochain au Taquin, bon concert à Tours, bon concert au Faucheux, bon, je pense qu'on n'aura pas le temps de venir vous voir ce soir, on attendra mardi prochain, mais en tout cas merci. Bah, vous traiterez à notre santé. Ah ben, nous sommes en train de le faire, et on se retrouve mardi 31 au Taquin, donc pour cette nouvelle présentation du Bridge version 2023. Merci Alexandre. Merci Pierre-Pont. Alexandre. Merci. Bonne soirée. À bientôt. À la semaine prochaine. Et voilà, donc Jean-Pierre, on va peut-être en rester là, rappeler bah, écoute, aussi qu'en première partie, il y a Marie Olaya en guitare solo. On va pas reparler de Marie Olaya, mais voilà, ça, c'est un grand plaisir de la découvrir, hein, parce qu'après l'émission de la semaine dernière, on avait vraiment envie, donc ce sera l'occasion. Et après, voilà, moi je suis ravi qu'Alexandre ait présenté la musique, parce qu'on ne peut pas le faire mieux que lui. Voilà, et donc, c'est vrai que comme il y a une surprise toujours pour nous, avec le bridge, là bon, il a dévoilé un peu, mais ça donne envie, et en tout cas, on a toujours l'effet de surprise avec les concerts du bridge. Voilà, donc ça c'est le prochain concert d'Un pavé dans le jazz, Marie Olaya, guitare solo en première partie, le bridge en deuxième partie, et Marie Olaya, eh bien, on va se quitter en écoutant un extrait de la longue pièce qu'elle a publiée sur Bandcamp, ça s'appelle La Forêt, rappelez-vous, la semaine dernière elle nous racontait comment était né ce morceau, il était né de la forêt qui était en bas du jardin familial dans laquelle elle allait régulièrement se réfugier. Ça donne ce morceau-là, Marie Olaya, donc en première partie de The Bridge, mardi prochain au Taquin à partir de 20h30. croyez qu'en radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. D'ailleurs, vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Boisanté, Fabrice Guérin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là parce que ce soir et demain soir, on va pouvoir vous écouter à la cave Poésie avec un nouveau spectacle, Plus rien d'humain, un nouveau spectacle, un nouveau répertoire, un nouveau groupe. C'est vrai que ce spectacle-là et ce groupe-là, on l'a peu vu à Toulouse, hormis, je pense, un passage d'une semaine au Théâtre du Grand Rond il y a quelques mois. Pourtant, que ce soit Christelle ou Fabrice, vous n'êtes pas des inconnus sur la scène musicale et culturelle toulousaine. Christelle, on vous a entendu dans Les Petites Faiblesses, dans Orlando. Vous avez été aussi comédienne à la compagnie 3BC. Quant à Fabrice, s'il est aussi comédien, c'est un chanteur et musicien qu'on a pu entendre dans Poids Plume, également avec Philippe Gelda, avec Philippe Ivron. Vous avez également joué avec Loïc Laporte, Jean-Denis Rivalo ou Vincent Ferrat. Une jolie carte de visite. Qu'est-ce qui fait l'histoire de ce nouveau projet Plus rien d'humain, de ce nouveau groupe, Christelle Boisanté? Alors c'est chouette que tu t'adresses à moi parce que en fait c'est un projet qui a été initié par Fabrice. Ah ben c'est très bien, donc on va peut-être se pencher et se retourner de l'autre côté des micros. Fabrice, première balle, c'est à vous. L'origine du groupe, c'est le fait que nos expériences respectives musicales étaient en train de se séparer. Les deux maris de la femme poisson, le groupe que je formais avec Vincent Ferrand, on avait décidé de faire un petit peu une pause. Vincent montait, lui, son solo, enfin son groupe. Dans le Zine Trio. Le Zine Trio commençait à beaucoup explorer de musiques dans lesquelles moi, j'avais pas trop de choses à dire. Christelle, avec Orlando, elle en parlera mieux que moi. Les choses se terminaient et... Donc, sur cet élan de choses musicales et tout ça, moi j'avais bien envie de continuer. Continuer comment ? Je me suis mis à écrire des chansons un peu pour moi, pour rien. Et je suis reparti d'un autre point de départ. Je suis reparti de la guitare électrique, en fait. Les différents groupes dans lesquels j'étais étaient plutôt guitare sèche, guitare électrique un peu pour Les Deux Maris et la Femme Poisson. Mais là, une guitare électrique un peu saturée, un peu rock. Et je me suis dit, allons-y, partons de ça. Et contrairement à ce que j'avais fait jusqu'à présent, qui était plutôt d'écrire les textes et d'écrire les musiques après, là, j'ai beaucoup exploré musicalement des choses d'énergie, de matière sonore à faire avec une guitare électrique. Et à partir de là, j'ai commencé à essayer d'écrire des textes sur ces matières. Et c'est comme ça qu'on commençait à se créer les premières chansons. Et le fait de proposer à Christelle Boisanté de travailler sur ce projet-là. Alors, c'est là qu'intervient Christelle. On se rencontre, Christelle et moi, puisqu'on se côtoie dans le monde amical, et elle me raconte qu'elle crée son solo, Le Bel Armel, dont elle parlera plus tard. Bien sûr, je pourrais en parler pendant des heures. Oui, et puis l'actualité du Bel Armel va bientôt se réveiller grandement, puisqu'il y a un album qui va bientôt sortir. Je pense que ça sera le moment d'en parler. Tout à fait. À ce moment-là. Donc, on se rencontre, et puis on se dit, tiens, toi tu travailles sur ton solo, moi je travaille sur des chansons à moi. Est-ce que ça te dirait pas que quand on a une demi-heure chacun, on fasse une petite présentation d'une heure pour un public ou pour nos amis, on sait pas encore. Et puis on repart avec cette idée, puis je rentre chez moi, et puis rentrant chez moi, je me dis, mais dans mon lot de chansons, là, il y en a peut-être, ça vaudrait le coup de les faire chanter par Christelle à cette occasion. Et je regarde ma liste de chansons et je me dis, mais en fait, toutes, elles gagneraient à être chantées par Christelle. Alors, je me suis tourné vers Christelle et je dis, voilà, Christelle, je suis arrivé à une autre conclusion. Je suis arrivé à la conclusion que ces deux duos n'avaient pas de sens. et qu'un duo... ces deux solos n'auraient pas de sens et que un duo serait magnifique. Un duo, moi j'aime bien quand tu dis un duo. Un duo, ouais, parce que c'est entre béni des duos et une formation de deux personnes. C'est beau. Et donc, comment vous reprenez la balle au bol, là? Et bien alors là, Fabrice se tourne vers moi et me dit, Christelle, est-ce que tu voudrais interpréter toutes ces chansons? En fait, moi ça m'est jamais arrivé que quelqu'un me pose cette question, c'est un cadeau là, franchement c'est... Donc, je réfléchis deux minutes, je me dis, attends, la Christelle, en fait, ça ne va pas arriver souvent qu'on te propose un truc pareil. En plus, il se trouve que moi, je suis Fabrice depuis longtemps. Je connais son répertoire. Je l'apprécie beaucoup. J'aime toujours aimé les autres groupes dans lesquels il était. Et ben, j'ai dit pas banco. Après, en plus, c'était la guitare électrique. J'étais là, oh là là, mais ça, moi, c'est un truc que je n'ai jamais fait. C'est génial. Oui, puisque juste avant ça, il y avait donc le Bel Armel que vous avez monté il y a déjà 3-4 ans. Et c'était la fin d'Orlando. Et c'est vrai qu'Orlando, c'était plutôt de l'acoustique, piano-voix. Ouais, c'est ça. Bah, après, en même temps, j'avais envie de choses différentes. Bon, Orlando, ça a duré 15 ans. C'était une magnifique aventure. On a vraiment fait plein de choses. Enfin, on était parfois en trio, parfois en quintette. Il y avait vraiment c'était assez ample comme manière de travailler. Et puis, on a fait des belles scènes et tout ça. Donc, c'était une belle aventure. Mais le projet s'arrêtant, c'est vrai que j'étais un petit peu en errance. D'abord, qu'est-ce que j'avais envie, moi? C'est pour ça que je me suis d'abord tournée vers un solo pour essayer d'explorer ce que j'avais vraiment envie de faire, moi, toute seule. Et en même temps, c'est tombé pile au moment en fait où Fabrice m'a proposé aussi ce duo. J'étais là. Alors le duo, le solo, j'avais jamais fait. Le duo non plus. Je me suis dit bon, c'est bien, c'est le moment de faire des trucs nouveaux, voilà. Oui, et puis faut resituer le contexte. C'est au moment du Covid que vous avez toutes ces histoires. Alors, c'est juste un peu avant, ce qui fait qu'au moment où on devait faire nos premiers concerts, tout ferme. Tout s'arrête. On était bien partis, on avait bien bossé, tout ça. Et d'un coup, ça... Bon, bah, comme tout le monde, mais c'est vrai que... Oui, comme beaucoup, mais c'est vrai que c'était cruel. C'est aussi pour ça qu'on peut dire que les deux concerts de ce soir et de demain soir sont une remise en route un peu de ce projet-là, dont on va écouter tout de suite un morceau que vous nous avez amené, puisque jusqu'à présent, rien n'a été enregistré sur un support, qu'il soit numérique ou classique. Plus rien d'humain, on écoute tout de suite un morceau qui s'appelle La Condescendance, et puis on revient avec nos deux invités du soir, Christelle Boisanté et Fabrice Guérin, pour continuer l'histoire de ce nouveau groupe Plus Rien d'Humain. Il y a des choses. voilà, ce morceau, deux mots peut-être, Fabrice, sur le morceau qu'on vient d'écouter, La Condescendance. Alors, c'est un morceau que j'aime bien parce qu'il appartient à ce groupe de chansons qui me sont venues avec la guitare électrique. En fait, ce qui s'est produit, c'est que je me suis dit, comme je vous le disais, jusque-là, j'écrivais les textes et puis je cherchais les musiques pour les accompagner. Et là, je pars de la matière sonore. Et la matière sonore, elle est brute, elle est compacte, elle peut être sombre, elle peut être, je ne sais pas comment le dire, elle est un peu révoltée, en fait, cette matière sonore. Et ça m'amène à réfléchir à une écriture qui serait une écriture de la révolte, même si voilà, je suis quelqu'un voilà, très, très tranquille pour le coup, hein. Moins bad bloc que moi, tu fais pas quoi. Donc je me dis, à quel endroit est-ce que cette révolte-là musicale, elle peut entrer dans des textes? Et c'est là que je commence à réfléchir un peu à tous ces sujets qui socialement, je trouve, grattent en fait. Voilà, c'est-à-dire le moment où on est dans des sociétés qui nous protège de plein de choses, etc., etc., peut-être. Mais en même temps, ça gratte à des endroits, quoi. Il y a des endroits où on sent qu'on n'est pas les bienvenus, il y a des endroits où nos pensées ne sont pas les bienvenues, où nos rêves ne sont pas les bienvenus, parce qu'il y a la crise, parce qu'il y a la dette, parce qu'il y a la pandémie. Enfin, ce monde, quoi, qui est un monde un peu... qui est à la fois accompagnant et puis en fait qui crée des structures dans lesquelles il faut quand même qu'on prenne la forme, quoi. Et c'est ça dont j'ai voulu parler un petit peu, c'est tout ce dont on doit un peu insidieusement prendre la forme et contre lesquels on pourrait peut-être de temps en temps un peu rechigner. Et c'est vrai qu'à ce titre-là, votre répertoire est très politique. Il y a des chansons quand même assez terribles. Bon, il y a des classiques de la chanson qui veut contester, qui veut se révolter, qui veut marquer une certaine rupture avec la société dans laquelle on vit. Il y a des textes qui fustigent le capitalisme, les riches. Il y a un super morceau sur le machisme. Bon, c'est des choses qu'on a déjà entendues, des thèmes qui sont quand même assez labourés dans le monde de la chanson. Par contre, moi, il y a une chanson qui m'a assez séché, qui s'appelle Le Réseau. Et là, on ne parle pas d'Internet, on ne parle pas de Facebook, on ne parle pas de nouveaux réseaux sociaux. Mais là, on parle de réseau, du copinage, de la cooptation. Et cette façon un peu de fustiger ce déterminisme social qu'avait pu fustiger à son époque Pierre Bourdieu. Mais c'est vrai que c'est une chanson qui est peu courante dans ce genre de chansons. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je pars de l'idée de à quels endroits ça gratte, j'écoute un peu les gens qui ont des démangeaisons, en fait. Et là-dessus, je tombe sur mon beau-frère de l'époque. Mon beau-frère de l'époque est espagnol. D'accord ? Pleine crise de 2018, mon beau-frère de l'époque perd son travail. Et il est espagnol, il est en Espagne et il cherche du travail. Et il travaille dans le milieu pharmaceutique, il a beaucoup, beaucoup de gens qu'il connaît dans le milieu pharmaceutique, donc il se dit qu'il va trouver rapidement du travail. Et puis il m'explique que quand tout se déglingue, en fait, et notamment ça se déglinguait pas mal en Espagne en 2018 avec la crise, en fait, qui c'est qui prend le poste? C'est pas le gars ou la fille, hein, alors attention, hein, la fille ou le gars ou la fille, c'est pas le gars ou la fille qui est compétente, c'est le fils du gars dont le père fait du golf avec le patron de la boîte. C'est ça qui se passe, en fait. C'est des reconfigurations, un peu, d'un monde qu'on pourrait penser égal, qui tout d'un coup, parce qu'il y a crise, se reformule autrement, quoi. Et ça m'a beaucoup intéressé, parce que, d'une certaine manière, on le voit un petit peu chez nous, mais ça s'hystérise dès que la situation va mal, en fait. Avec cette phrase qui est assez définitive dans cette chanson, « Dis-moi qui est ton père, je te dirai qui tu seras ». Et c'est vrai que ça définit bien ce que vous dites dans celle-là, mais ce que vous dites dans pas mal d'autres. Il y a quand même cette critique en dessous d'un certain nombre de fonctionnements. Ouais, et qui ne sont pas forcément politiques. Hein. La chanson qu'on a sur la publicité, par exemple, elle n'est pas forcément politique, mais... qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel, quand tu payes 10 euros pour quelque chose, en fait, tu payes 5 euros pour sa publicité, fait. Donc, le truc qui te matraque par ailleurs toute la journée. Et les 5 euros qui restent sont faits pour la fabrication de l'objet ou de la nourriture. Et donc, au bout d'un moment, on peut se dire que ce que tu pourrais en manger pour 10 euros, mais non, tu en manges pour 5. Parce que les 5 autres sont, sont utilisés à te matraquer toute la journée pour que tu achètes cette marque-là plutôt qu'une autre. Et ça, je trouvais ça un peu étonnant quand même. C'est-à-dire, on est civilisé, quoi. Voilà, c'est ça. C'est la civilisation dans ce qu'elle a d'étrange, je trouve. Et paradoxal. Et cette façon d'expliquer le monde, c'est peut-être ça aussi, de faire de la politique. Mais ça nous entraînerait peut-être un peu plus loin. Mais c'est peut-être ça, faire de la politique. Oui, parce que c'est une autre manière. Voilà. Christelle, comment on rentre dans un univers comme ça ? Vous avez votre mot à dire sur les textes, par exemple ? Moi, je rentre... Qu'amène Fabrice ou pas du tout ? Oui, un peu. Mmh. Mais dans tous les cas... Moi, là où je suis intéressée, là où ça me parle, là où j'ai ma place, là où je... Parce que c'est ces textes. Et c'est enfin, en tout cas, dans la chanson, c'est la première fois que j'interprète des textes qui ne sont pas les miens. Non, ce n'est pas vrai. Dans Orlando, ça pouvait m'arriver. Mais bon, j'avais quand même une part où j'écrivais. Là, je n'écris pas. Mais par contre, Fabrice, il a un regard tellement... une manière de regarder le monde qui est tellement décalée, tellement... Enfin, c'est sa poétique, en fait, qui va m'intéresser et où je peux avoir ma part de prendre le sujet. Parce que c'est vrai que, oui, je pourrais être... Enfin, je peux pas être que... Enfin, si, je suis qu'interprète, mais... Je suis imprégnée, enfin, je sais pas, je trouve une porte d'accès à ces textes, mais c'est par la poétique en fait. C'est pas par les thèmes, bien sûr, ça me parle, évidemment, parce que moi aussi je vis dans ce monde. Oui, et puis Orlando faisait quand même ce style de cuisine. Les textes d'Orlando étaient aussi très très vifs, aller chercher un peu dans la plaie de quoi nous retourner. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que du coup, là, comme c'est un répertoire entier qui est écrit uniquement par Fabrice, il y a aussi une espèce de continuité que je trouve belle aussi, parce que dans Orlando, c'était différent, il y avait ce côté prise de parole du trio, donc de chacun, avec justement des manières de s'exprimer différentes. Là, il y a une continuité, c'est son univers, il est franchement... moi, je disais ces chansons entre candeur et poil à gratter, il y a une espèce de truc comme ça, un peu hybride, quoi. Et voilà, moi, ça me parle, et c'est à cet endroit-là que je vais trouver ma matière pour m'exprimer, moi. Et l'univers rock que vous propose Fabrice Guérin, c'est quelque chose aussi dans lequel vous êtes rentré facilement ? Alors ça, c'est assez drôle parce que d'abord, au départ, ça me faisait assez peur en fait. J'étais là, mais non, mais moi, comment je vais faire? Et en fait, c'est un jeu. En fait, c'est du jeu. En fait, c'est tellement agréable. Au final, d'être dans la peau de quelqu'un qui chante avec une guitare électrique, il y a déjà des codes. Mm-hmm. Et ça, je trouve ça super parce qu'en fait, moi, j'ai toujours cherché quelque chose qui me représente moi. Comment on fait pour se positionner sur scène ? Il faut être le plus juste par rapport à soi-même, patati patata, c'est galère. Je trouve qu'avec une guitare électrique, il y a un côté, il y a des codes du rock. Ça pose le personnage. Ça m'aide, c'est assez, je vois à peu près où il faut aller en fait. Et c'est assez chouette, et c'est vraiment joyeux. Donc ce soir, vous êtes au Bijou, tous les deux, pour deux soirs dans le cadre de... Non, on n'est pas au Bijou. Au Bijou, n'importe quoi, à la Cave Poésie. Vous êtes à la Cave Poésie ce soir et demain soir dans le cadre de des Tours de Chang. Je le disais tout à l'heure, une façon vraiment de relancer ce projet, c'est quoi la suite pour Plus Rien d'Humain ? Oh, la suite, c'est de le montrer à des gens, de le jouer et d'être de le faire entendre. Après, est-ce qu'on ira vers un enregistrement ? On ne sait pas, on n'a pas de... Moi, je suis pour... voilà, on pourrait commencer la discussion là, à cette table. Ça serait bien, un enregistrement. Oui, je pense que l'enregistrement, ça peut être une bonne aventure aussi. Oui, très bien. On va attendre ce CD, cet enregistrement. Ouais. D'ici là, on aura quand même plein de fois l'occasion de vous voir. Donc, je le rappelle, ce soir et demain soir à la Cave Poésie, dans le cadre de Des Tours de Chant. C'est déjà la 22e édition. Un spectacle donc à découvrir, à part les rares heureux du Théâtre du Grand Rond au printemps dernier. Vous nous avez amené une guitare. Les micros sont branchés. On va se quitter en écoutant un deuxième morceau de Plus Rien d'Humain, deux mots. sur le morceau que vous allez nous jouer là ? Alors c'est un morceau que personne n'a pu entendre pour le moment. On est trois à l'avoir entendu sur cette planète et même dans cet univers, on va dire. Parce que c'est un des nouveaux morceaux qu'on apporte ce soir dans le set de chansons. C'est une tentative aussi de renouveler un petit peu les sonorités par rapport à la première version de notre duo. Voilà, c'est peut-être un peu moins politique, mais en même temps, est-ce que la sensualité, c'est pas politique ? Est-ce que les choix de vie, c'est pas politique ? Tu as raison, Jean-Philippe, ouais. on pourrait faire une émission de 5 heures. Mon prof de philo nous disait que tout est politique. Voilà. Sur lequel tu te perds n'est sûr. Aucune carte routière. Il est fait de jours, de mois, d'années qui passent sans se retourner. Si tout va bien, d'où te vient cette envie de chemin si droit? Si tout va bien, d'où te vient cette envie de chemin si droit qu'il ne finisse pas? Ressemblent aux années passées. Tu ne sais plus si c'est ce qu'il faut craindre ou ce qu'il faut espérer. Si tout va bien, d'où te vient cette envie de chemin si droit? Si tout va bien, d'où te vient cette envie de chemin si droit qu'il ne finisse pas? Boisanté et Fabrice Guérin pour ce morceau en direct dans le studio de Campus. Je le rappelle, ce nouveau groupe, ce nouveau duo, c'est Plus Rien d'Humain. Passage ce soir et demain soir à la CAF Poésie. C'est là que si vous voulez avoir la version électrique du morceau que l'on vient d'écouter, il vous faudra vous précipiter, donc deux soirs de suite, dans le cadre du festival Détour de Chant. Merci beaucoup et à très bientôt. Avec grand plaisir. Merci Jean-Philippe. Merci Jean-Philippe. Ouais. Je me suis vraiment sentie au théâtre. Je veux dire, dans le bon sens du terme. Jouvet. Et puis, des amis, quoi. Je suis actrice, comme Ariel Dombal. Ben, moi, je veux bien, mais j'aimerais savoir où va le personnage. Caramel. Voilà, donc vous l'avez compris, Détour de Chant s'installe en ville pour encore une dizaine de jours. On verra un peu ce qui s'y passe dans le courant de cette dernière chronique de l'émission, les concerts du soir, parce qu'il y a Détour de Chant en ville, mais il y a plein d'autres choses. Et par exemple, ce soir au Métronome, il y a les petites pépites du Métronome. Chaque deux mois, le Métronome invite des artistes que l'on découvre à ce moment-là. Et ce soir, dans les pépites du Métronome, ça commence à partir de 20h. On pourra écouter Kalika, Blue, Samu et Joy. Donc ce soir, les pépites du Métronome à partir de 20h. de la chanson, mais de la chanson alternative ce soir au Dada, à partir de 20h là aussi, avec Attention Pardon, des chansons complètement farfelues, pleines de non-sens, et c'est très rigolo, suivi de Alice, ça c'est plutôt des chansons plutôt froides, sur fond électro, machine et musique assistée par ordinateur. Au Kiwi ce soir, place Jean Jaurès à Ramonville, on pourra écouter et voir Jazz Magique. C'est la rencontre entre de la magie, avec un vrai magicien, et du jazz autour de la notion d'improvisation. C'est drôle, c'est plutôt décontracté, une joute verbale et musicale plutôt jubilatoire. Au piano, on y retrouve Marek Kastelnik, le pianiste de L'Oiseau Ravage, et puis Antoine Thérieux joue au magicien parce que c'est un magicien. Donc ça, c'est au Kiwi à Ramonville à partir de 20h. Le Lucas Raoke, le karaoké animé au piano et à la gouaille par Lucas Lemoff, sera ce vendredi à partir de 20h à l'itinéraire bis. Il y a du rap ce soir aux Connexions Live à 20h avec Warren, jeune rappeur toulousain. De la musique Gnawa à Maison Blanche avec le duo Jou Gnawa à partir de 20h30. Jean-Pierre Lérac, vous avez vous aussi un concert à proposer ce soir ? Alors, c'est un concert pour demain. Ah oui. C'est un concert pour demain. Ça se passe à La Virgule, qui est un nouveau lieu alternatif là, du côté de Balma, par là, plein de par là. Et donc, c'est le nouveau groupe de Marc Desmoreau, qui s'appelle Sans Mouchon, et je recommande aux amateurs d'émotions fortes. C'est vraiment encore Marc Desmoreau va encore nous étonner. Et il y a trois concerts, et celui-là sera le second. Le reste, c'est des concerts électro plutôt. Voilà. D'accord, donc La Virgule à Balma, la prochaine fois, s'il vous plaît, revenez avec l'adresse. Ça sera quand même plus facile pour voilà, trouver. Voilà, mais je pense qu'avec Internet, on va pouvoir le trouver. Oui, maintenant, avec Internet, on trouve n'importe quoi. Allez, je continue avec, pour ce soir, de la chanson poétique à la Candela, avec Touche chez Saturne, une guitare, une voix, une machine à loupe, c'est à 20h30 et c'est plutôt réussi, au moins si l'on en croit les diverses vidéos qui ont déjà été postées sur internet de cet artiste, donc Touché Saturne. Concert de jazz manouche à 20h30 à l'Autruche avec Shake of Swing Quartet, donc des tours de chant, on y revient, ce soir c'est trois concerts, Georges K à Espace Saint-Cyprien à 20h30, Plus Rien d'Humain, dont on vient d'écouter les deux membres, Christelle Boisanté et Fabrice Guérin, juste à l'instant. Donc Plus Rien d'Humain ce soir à la Cave Poésie à 21h, enfin Yannick Jolin à 21h, salle des fêtes de l'Onaguet. Le dernier concert qui devait avoir lieu ce soir dans le cadre de Détour de Chant, c'était celui que Johanna devait donner aux Bijoux. Johanna est malade et dont le concert a été annulé. Du rock ce soir à la Cava Rock avec Masta, Distorsion, Ride et Mandragora. Comme d'habitude, ça va encore péter du côté de la Cava Rock. Les murs vont encore vibrer. L'ambiance est toujours, c'est toujours chaude avec le temps qu'il fait. C'est pas mal. Donc rock à la Cafpo, pareil, à partir de 20h. Du jazz au taquin ce soir à 21h avec une zit, un sextet entre psychédélisme et jazz progressif. Et puis à l'impro, on pourra retrouver les membres de Foulou, furieuse fanfare qui mixe esprit des brass bands et de la musique de l'ouest africain, notamment de l'afrobeat. C'est absolument étonnant à voir. Ils arrivent masqués avec plein de cuivre qui souffle dans leur bignou de manière jubilatoire. Foulou, c'est vraiment des gens à voir. La seule interrogation, c'est comment ils vont pouvoir jouer sur cette petite scène. Ça risque d'être un pari assez gonflé. Foulou, en tout cas, ce soir à l'impro à 20h30. Et puis, dernier concert, ça se passera demain soir. Demain soir, aux Chaises Bovis, vous savez, ce bar qui est sur la rue Saint-Rome et qu'on appelait avant le Champagne. Fred Thibault Arnaud nous avait expliqué pourquoi le champagne avait un N et pas un M. C'est la société de champagne, les producteurs de champagne qui ont interdit au champagne de s'appeler champagne. Donc il a gardé champagne mais avec un N. Il s'appelle aussi Chesse Bovie. C'est un bar très sympa en dehors des concerts en plus. Voilà, en plus. Donc à 20h45, vous pourrez y retrouver quelqu'un qu'on aime bien dans Caramel Mou, Eddie Boubacar, à la tête de son nouveau groupe, j'allais dire Esh, responsable d'un album Revenu qui est sorti, si je me souviens bien, en 2019, juste avant le Covid. Esh, donc, que l'on peut écouter demain à partir de 20h45. Aux Chaises Bovie, ex-Champagne, pas très loin de la rue Saint-Rome. Et on va les écouter tout de suite, Esh, avec Fidèle à vos illusions. Et voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans quelques minutes, retour de Little John Little pour un nouveau Little by Little des familles, un incredible, magique, formidable Little by Little Wicked Show. Il est déjà là, il est tout chaud. Il n'était pas là la semaine dernière, prêt, ouais. Il a deux semaines à rattraper. Accrochez-vous, ouvrez bien vos oreilles, ça risque de camfrer sévère dans vos salles de bain ou dans vos salons. John Little, vous le retrouvez dans 3 minutes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On continuera à parler de détours de chant avec de nouveaux invités. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut les filles. Caramel! Caramel. Et voilà, sans transition, nous passons directement au Little by Little Wicked Show avec le générique de Caramel. Caramel.